Au bout de sa rue, putain, allez, on est parti. Les feuilles tombent en silence, comme les souvenirs d'antan. Nos âmes prises dans la danse d'un amour échappant au temps. Je suis au bout de sa rue, espère encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Les rires dans l'air résonnaient, écho d'une passion passée. Le temps cruel nous la volait, cette flamme qu'on a laissée. Je suis au bout de sa rue, espère encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Les étoiles brillent au-dessus, refuge des âmes égarées. Dans mes nuits, ta voix s'insinue, le murmure de nos vies mêlées. Je suis au bout de sa rue, espère encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Voile brille au-dessus, refuge des amérantes. Dans mes nuits, ta voix s'immisce, murmure de nos vies touchantes. De nos vies touchantes. Je suis au bout de sa rue, espérant encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Le vent porte nos souvenirs d'une époque où tout chantait. Peut-être qu'on va se réunir et que nos cœurs s'éclaireront. Je suis au bout de sa rue, espère encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Les jours s'écoulent en silence, mais l'espoir est un phare. Même dans la plus grande absence, l'amour ne connaît point de retard. Je suis au bout de sa rue, espérant encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Plus je marche vers son numéro, plus je stresse. Je n'ose pas sonner, mais pour savoir. Peut-être que demain se tisse avec des fils de renouveau, réchauffons nos cœurs en lambeaux. Je suis au bout de sa rue, espérant encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines. Les rires dans l'air résonnaient, écho d'une passion d'antan. Le temps cruel nous l'a volé. Ah, cette flamme, ce sentiment. Je suis au bout de sa rue, espérant encore un signe. Les rêves sont revenus à l'ombre de nos racines.